Ils ont juste décidé de ne pas en parler. Non, on ignore l'ennemi Amir Kadhi. Hein, oui, c'est ça, on l'ignore. Alors qu'avec Pauline Marois, tout autre résultat, qu'avec Pauline Marois comme chef du PQ, Legault aurait 35 %, donc presque le même score que du CEP à 37. Marois le ferait dégringoler le PQ à 20 %, donc c'est les intentions en ce moment pour le PQ, 20 %. Et les autres partis, c'est à peu près semblable. Donc, ça fait des vagues énormes à l'intérieur du Parti québécois, énormes. Évidemment, Pauline Marois, elle, de son côté, avec sa garde rapprochée, voit ça comme une autre des attaques continues que les médias font contre elle. Michel David, éditorialiste au Devoir, va venir nous parler de ça tantôt. En fait, il va décortiquer pour nous qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et il a fait un article très intéressant qui dit que à Bonaventure, vous savez que l'ex-vice-première ministre Nathalie Normandeau du Parti libéral qui a démissionné a laissé un comté vacant à Bonaventure, donc il va y avoir probablement dans un mois des élections partielles. Et selon Michel David, notre éditorialiste au Devoir, cette élection-là ne peut que nuire à M. Legault. Fait que, il va nous expliquer pourquoi, vous allez voir, c'est pas si mystérieux que ça. Très bien, prochain sujet. On se transfère du côté de la politique fédérale. Les conservateurs, cette semaine, ont retenu l'attention pour deux nouvelles. Tout d'abord, à l'instar des États-Unis, après l'entrée à l'UNESCO de la Palestine, les conservateurs, le gouvernement canadien, en fait, maintenant, il faut dire le gouvernement Harper et non le gouvernement canadien. Je sais pas si vous le saviez, mais il y a une motion qui était passée, un ordre du premier ministre qui est passé de par tous les fonctionnaires, comme quoi maintenant, dans les communiqués, il faut écrire gouvernement Harper et non gouvernement canadien. Y a-t-il une raison pour ça? Alors, maintenant, le gouvernement Harper a décidé de retirer son aide à l'UNESCO et, évidemment, ça prouve un peu ce que le gouvernement Harper en pense de cette UNESCO. En fait, il a retiré, c'est plus pour faire peur, hein, parce qu'il a retiré son aide volontaire. Il va laisser son aide obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne fait pas comme les États-Unis. Il laisse la majeure partie, c'est 11 millions, je pense. Voilà. Exactement. Il donne un surplus volontaire. Je te laisse continuer. Voilà, OK. C'est une façon de démontrer son désaccord par rapport à l'adhésion de la Palestine. Donc, ça prouve un peu... Il faut aller chercher un petit peu plus loin là pour une nouvelle qui est significative pour le Québec, c'est que la Palestine se veut un État souverain à travers Israël, ce que le Québec veut faire dans le Canada. Stephen Harper a reconnu le Québec comme étant une nation à travers le Canada, et pour ça, il nous a offert un siège à l'UNESCO. Mais là, il retire son aide volontaire à l'UNESCO. Ça prouve bien ce qu'il en pense de l'UNESCO, premièrement, et deuxièmement, de la prétention de ces États-là de vouloir se distinguer. Donc, pour le Québec, c'est par la bande deux mauvaises nouvelles, en fait, parce que surtout que le siège à l'UNESCO qu'il voulait nous offrir en guise de considération comme étant une nation distincte, ça prouve un peu la valeur qu'il lui donne à ce fameux siège qu'on n'a pas eu, finalement. Et d'ailleurs, le ministère des Relations internationales du Québec a dit on ne veut pas se prononcer, on ne peut pas se prononcer, ça nous regarde pas. Nous autres, c'est plus culture, langue, etc. Mais moi, je pense que l'opposition et, en fait, tout le mouvement souverainiste, en général, de par sa nature, devrait trouver un moyen de se rassembler puis d'affirmer quelque chose là-dessus pour soutenir la Palestine puis son accession à l'ONU, parce que c'est un silence qui est évidemment peut-être créé par le fait que les troupes sont désorganisées, comme on le dit tout le temps, mais ça serait une bonne occasion d'avoir une idée semblable et d'avoir une idée commune et de la faire savoir. En effet, et la dernière nouvelle avant de passer à un bloc musique et un bloc pub, c'est évidemment les conservateurs au niveau du registre des armes à feu. La virulente sortie de Jean-Marc Fournier, ministre de la Justice du Québec, qui est allé défendre le point de vue du gouvernement de l'Assemblée nationale à Ottawa hier, en fait, en commission parlementaire. Pour faire un bref résumé, le Québec se dit pour la conservation, le maintien du registre des armes à feu. On sait que dans l'histoire récente du Québec, deux grandes tragédies sont survenues, deux grandes tueries, celle de la Polytechnique et du Collège Dawson plus récemment. Eh bien, ce registre-là permet à tout propriétaire d'armes l'oblige en fait à enregistrer son arme. Donc, la police et les autorités savent que tel individu ou dans telle résidence, il y a une arme de disponible. Donc, c'était une façon de sécuriser, de rendre les interventions policières beaucoup plus faciles, beaucoup plus efficaces. Et les conservateurs ont décidé non seulement d'abolir ce registre-là, mais aussi d'abolir tous les renseignements qui ont été récupérés depuis le début de la mise en œuvre de ce... Alors qu'on a payé des taxes pour faire que ce soit ramassé, toutes ces informations-là, c'est long, ça prend du temps, ça prend des ressources. Voilà, toutes les informations que le gouvernement du Québec a payées pour avoir ces informations-là, le gouvernement fédéral, en plus d'abolir le registre, va détruire les informations qui ont été recueillies par le Québec. Les conservateurs refusent de rendre au Québec les informations pour lesquelles nous avons payé, en fait. D'un côté, nous, à l'Assemblée nationale, unanimement, tous les partis veulent le maintien de ce registre-là. À Ottawa, on refuse. Donc, on dit, nous, on va le garder chez nous, on va garder ces informations-là, mais Ottawa refuse même de nous envoyer ces informations-là. Et qui plus est, le nouveau système carcéral, les nouvelles règles de justice que le gouvernement fédéral veut implanter, donc des peines plus lourdes, l'abolition de la réhabilitation, pardon, le suivi des détenus et tout ça pour les ramener dans la société. C'est une série de peines minimales aussi qu'avant, un gars qui vendait de la drogue, qui était pris pour la première fois, qui avait 18 ans, il n'était pas nécessairement incarcéré. Là, il y a des peines minimales. Le juge est obligé d'incarcérer pour au moins une période minimale. Voilà. Et ça, c'est des coûts énormes et monstrueux. Ça veut dire qu'on va prendre un jeune qui fait une erreur, on va l'enfermer tout de suite. Et est-ce que vraiment, au bout de sa peine, 3 ans plus tard, mettons... Après s'être fait des contacts dans le monde criminel pendant 3 ans. Et voilà, à l'intérieur même des murs de la prison. Et là, il va sortir, il va être libre comme l'air. Il n'y aura pas de suivi, il n'y aura pas de sensibilisation, il n'y aura pas d'éducation qui sera faite. Victor Hugo a dit « ferme une école, ouvre une prison ». Et c'est ça que les conservateurs veulent faire. Puis c'est les provinces qui vont payer pour l'incarcération, toutes les prisons provinciales pour les crimes mineurs, toutes ces séries de peines minimales, ça va aller dans des prisons provinciales. Donc, encore une fois, par le fédéral, on se fait imposer un projet dont on ne veut rien savoir, dont on ne partage pas les valeurs et les méthodes. Et qui coûte de l'argent. Qui va nous coûter de l'argent. Donc, et on ne peut même pas nous s'organiser nous-mêmes avec les informations qu'on a payées pour. Toutes ces données-là, on les a payées, on ne peut même pas les récupérer pour s'organiser nous-mêmes. C'est une façon, c'est la politique de la terre brûlée, comme disait notre ami Guillaume Cholette-Janson. C'est-à-dire qu'on ne laisse plus aucune chance aux provinces de pouvoir se munir eux-mêmes d'un système comme celui-là, parce que le gouvernement fédéral a décidé de régner en roi et maître. Pis c'est très, très, très idéologique, parce que qu'est-ce que ça y donne de les effacer? Qu'est-ce que ça y donne? C'est juste pour être sûr que jamais on va pouvoir... que ça va nous coûter beaucoup trop cher si on veut ravoir un système comme celui-là, parce qu'on va avoir perdu toutes les données qui ont coûté énormément d'argent à colliger. Fait que lui, c'est ça, c'est comme tu dis, c'est la terre brûlée, mais c'est très idéologique, ça y rapporte absolument rien, c'est juste pour nuire à ses ennemis politiques. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse et d'actualité de la semaine qui était fort chargée. Alors, Catherine, au retour de la pause, on revient avec un sujet qui, ma foi, est assez particulier et avec un intervenant très, très éloquent. Oui. Juste avant de parler à Michel David, donc, qui va nous expliquer ce qui se passe avec Duceppe et à l'intérieur du Parti québécois, on a un invité qu'on voit de plus en plus chroniqueur, de plus en plus renommé, Mathieu Boccoté, qui se décrit lui-même comme un conservateur, en fait. Beaucoup de gens vont dire c'est un nationaliste de droite. Mais enfin, là, il ne va pas nous parler du sujet dont il parle le plus souvent, c'est-à-dire le multiculturalisme, souvent parce qu'il est pour en parler, pour se positionner en faux contre le multiculturalisme. Il va nous parler d'une autre saga dans laquelle il a été assez actif, c'est-à-dire l'enseignement de l'histoire nationale au Québec. Il y a une énorme controverse ces temps-ci entre plusieurs personnes qui s'intéressent à ce sujet-là. C'est une controverse qui est assez importante pour nous en tant que société. Il va nous expliquer quel est le point de départ de cette controverse-là, où ça en est aujourd'hui et qu'est-ce que ça signifie pour les Québécois. Très bien, bloc pub et on revient tout de suite après avec M. Boccoté pour son élocution. À ne pas manquer en novembre à l'Ampli de Québec, le clip de présentation artistique avec Rénal Gingras, l'oreille du réalisateur avec Stéphane Rancourt, laboratoire de mise en scène avec Patrick Saussier, bourse et subvention avec Isabelle Beaubien, l'entrevue avec Monique Giroux, devis technique avec Sébastien Doré et métal avec Marc Vaillancourt, le week-end de Bia et côté conférence, le droit d'auteur et la promotion radio avec Dominique Lalande. L'Ampli de Québec remercie la Ville de Québec pour son soutien financier, le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale, de même que ses fiers partenaires, l'Hôtel Pur, Voir Québec et CKRL 89.1. La Tabagie Saint-Jean fait aujourd'hui figure d'institution. Revues, magazines, commodités en tout genre incluant bière, vin, café, choix de viennoiserie et autres sucreries. La Tabagie Saint-Jean, 620 rue Saint-Jean, 418-522-5923 pour les livraisons en semaine. Venez aussi découvrir en exclusivité le système électronique HD Smoke et rendez-vous sur tabagiesaintjean.com. La Tabagie Saint-Jean connaît le tabac. Montcalm, Limoilou, Saint-Jean-Baptiste, l'ancienne Lorraine. C'est possible. Yeah. dans ce bloc musical, vous avez entendu Zebda, il n'y a pas d'arrangement, qui disent le mot jaune comme étant jeune, ainsi que Louise Attaque, La Plume, des succès d'il y a à peu près une dizaine d'années. Hein. Voilà. Catherine, on est de retour en onde, puis c'est ton segment cette fois-ci, je te laisse l'antenne. On est en ligne directement avec M. Bock-Côté. M. Bock-Côté, bonjour. Vous allez bien? Oui, merci beaucoup d'être là sur nos ondes avec nous. Alors voilà, je vous laisse en compagnie de Catherine qui va diriger l'entrevue pour les prochaines minutes. Alors, M. Bock-Côté est auteur d'ouvrages de sociologie du Québec, des essais, un chroniqueur prolifique, on le voit dans toutes sortes de médias, et candidat au doctorat en sociologie à l'UQAM aussi. Donc il est avec nous pour nous parler de la controverse qui entoure cette étude commandée par la Fondation Lionel Groulx à Éric Bédard et Myriam Darcy sur l'enseignement et la recherche universitaire au Québec, qui se nomme l'Histoire nationale négligée. Donc, Mathieu, j'aimerais savoir, il y a une controverse qu'on a pu lire dans Le Devoir et suivre dans Le Devoir, mais qui aussi est sur plusieurs réseaux sociaux et dans toutes sortes de milieux, sur cette histoire nationale qui serait négligée à la fois au secondaire et pour les professeurs qui enseignent au secondaire. Pourriez-vous nous expliquer un peu d'où ça part, cette controverse-là, et de quoi elle est faite? De l'histoire nationale, de l'histoire politique, mais de l'histoire nationale en général, à la fois au niveau secondaire, bien sûr, mais plus largement sur le statut de l'histoire nationale dans la recherche universitaire, sur la place même de l'objet Québec, hein, c'est-à-dire l'étude du Québec en tant que tel, sa place dans le parcours scolaire, sa place au secondaire, au cégep, à l'université. Donc, depuis plusieurs années, il y a un débat tout à fait sérieux entre plusieurs universitaires, entre plusieurs intellectuels sur ces questions. Et la Fondation Lionel Groulx a décidé d'aller documenter tout ça, voir si nous avions raison de croire que la place de l'histoire nationale, par exemple, était négligée. Si nous avions raison de croire que l'objet Québec était négligé dans le système universitaire, dans l'enseignement, au niveau collégial, au niveau secondaire, et ainsi de suite. Or, une série d'études ont été faites sur le secondaire, sur le cégep, sur l'université. Et sans surprise, doit-on dire, on a la confirmation de ce que nous craignons, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années, l'histoire du Québec a été peu à peu négligée dans l'espace public, négligée dans la recherche académique, négligée dans l'enseignement, comme si l'histoire du Québec était frappée de désuétude, comme si l'histoire nationale n'était plus un prisme légitime à partir duquel appréhender la condition québécoise. Donc on l'a vu par exemple au niveau universitaire, où il y a un manque cruel de spécialistes sur tout ce qui touche les questions du Québec. Alors, il faut savoir que dans l'université québécoise, il n'y a pas de spécialiste, par exemple, des rébellions. Il n'y a pas de spécialiste de la Confédération, non plus que de la conquête. Il y a une absence de spécialiste sur tous les grands moments de notre histoire politique. De la même manière, au niveau collégial, je crois que c'est une étude sortie l'an passé par la Fondation Lionel Groulx, encore une fois, 1,8% des étudiants au niveau collégial, je crois, vont rencontrer un cours d'histoire du Québec dans leur parcours. Au niveau du secondaire, ça, le débat dure depuis plus longtemps. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'histoire nationale a été sacrifiée au profit d'une forme d'histoire multiculturaliste, d'une histoire qui met de côté la nation, qui la sacrifie au nom de l'histoire des minorités, toujours de l'histoire sociale, d'une histoire qui se détrait du récit national québécois. Donc, voyez le portrait dans son ensemble et vous avez ce qu'on pourrait appeler la toile de fond de cette controverse. Donc, vous dites depuis une vingtaine d'années, est-ce que ça veut dire que, est-ce que, selon vous, ça a été amené par une espèce de désintérêt des historiens ou ça serait parce que il y aurait une source politique, si on veut, à ça? Je crois qu'il faut tenir, il faut éviter dans ce débat de croire que c'est une pure reproduction du conflit souverainiste-fédéraliste. Ça, c'est une chose qu'on doit éviter. Ça ne veut pas dire que ça ne recoupe pas l'enjeu souverainiste-fédéraliste, mais l'origine ne se trouve pas là. On peut voir, il y a une série d'origines qu'on peut noter pour ce débat. Par exemple, il y a dans le fait que dans l'université, depuis une quarantaine d'années, l'histoire politique traditionnelle, l'histoire nationale qui mettait en scène les grands événements politiques, les événements porteurs de sens, qui sont encore ceux qui structurent la mémoire collective, eh bien, ça a été mis de côté au nom, justement, d'une histoire qui mettait davantage d'accent sur les marginalités, l'histoire sur les différentes minorités, donc minorités définies au sens très large. Donc, ça pouvait être l'histoire des prisonniers comme l'histoire des minorités sexuelles, comme l'histoire des femmes, comme l'histoire des minorités linguistiques. On multipliait les sujets d'études qui permettaient de s'extraire, peut-on dire, de l'histoire de l'État, de l'histoire de la nation, de l'histoire nationale telle que nous la connaissions. Donc, dans l'université, il y a eu cette mutation, donc de moins en moins de recherches en histoire nationale classique, de plus en plus de recherches sur, je ne sais pas moi, l'histoire de la consommation au Paraguay en 78. Mais ça, donc, ça serait... C'est comme un mauvais exemple, mais on peut voir qu'il y a un enjeu là. Est-ce que ça serait l'effet d'une mode? Tout simplement, les gens se disent, ah, on serait passé à une espèce, nous-mêmes étant comme groupe social un peu désincarné de d'intérêt pour notre histoire nationale, on se serait dit, ah, ben, c'est beaucoup plus intéressant de. Ben, en fait, l'Occident en entier est touché de cet intérêt pour les minorités, pour. Ben, voilà, c'est que ce n'est pas spécialement québécois ici. C'est-à-dire, partout en Occident, l'histoire nationale a été négligée. Évidemment, dans d'autres nations, il y a davantage de circuits institutionnels. Ce qui fait que l'histoire nationale pouvait se replier dans des instituts, des trucs comme ça. Au Québec, on avait moins de tels. Une fois qu'une idée disparaît de l'université, elle risque de disparaître de l'espace public. Mais en France, on a assisté à un renouveau de l'histoire nationale à partir des années 80, même 90, de l'histoire politique. Ici, ça n'a pas été le cas. Donc, comme je dis, premier élément qui est très important, sacrifice de l'histoire nationale dans la recherche universitaire. Deuxièmement, on pourrait dire la disqualification de la nation aujourd'hui comme élément de référence. Hein, aujourd'hui, on doit être citoyen de sa famille, aujourd'hui citoyen de son école, citoyen de son quartier, citoyen du monde, mais citoyen de la nation, c'est comme vu comme étant désuet. Donc la nation perd de sa pertinence pour plusieurs comme cadre politique, elle perd de sa pertinence comme identité. Alors évidemment, cette espèce de perte de pertinence décrétée de la nation finit par se répercuter sur l'enseignement de l'histoire, sur l'histoire telle que nous la pratiquons dans nos institutions d'enseignement. Donc, vous avez ici les deux éléments qui sont fondamentaux. D'un côté, comme je l'ai dit, sacrifice de l'histoire nationale. Dans le deuxième cas, oubli de la nation. Et le troisième élément qui compte, qui n'est pas négligeable, qui est presque lié au deuxième, émergence du multiculturalisme. Donc, on cherche non plus à faire l'histoire à partir d'un sujet collectif global, mais à partir de toutes ces minorités. Et la seule trame commune qu'on reconnaîtra dans l'histoire, c'est la découverte du droit à la différence, c'est la découverte des chartes de droit, c'est la découverte de la démocratie diversitaire. Mais tout ce qui est extérieur à cette espèce de droit de l'homisme multiculturel, si vous me permettez l'expression, eh ben, c'est passé du débat public, c'est passé de la recherche. Et tous ces débats-là, donc ils sont depuis 20 ans, ces débats-là au moins, eh ben, ils culminent en ce moment dans l'espace public, dans un débat sur la place de l'histoire à l'université. OK. Et quelles conséquences ça peut avoir d'un point de vue sociologique sur la société québécoise, tout ça? Ah ben, ça, c'est très important. Je crois que c'est la bonne question à poser. C'est-à-dire, dans l'école québécoise, on assiste en ce moment à une faillite de la transmission de la mémoire nationale. C'est-à-dire la mémoire nationale qui est le lien fondateur hein, du lien politique. Là. On a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais c'est l'historien Ernest Renan qui disait que la nation était d'abord un legs de souvenirs. Autrement dit, la mémoire est fondatrice du lien politique. Le lien politique ne se limite pas à la mémoire, mais il s'y fonde. Eh bien, cet oubli de la mémoire, cet oubli du collectif, cet oubli de l'histoire fait en sorte qu'on assiste dans l'espace public, à une société de plus en plus individualisée, de plus en plus fragmentée, où les minorités, les lobbies, les groupes se désaffilient les uns après les autres de la société dans son ensemble, et ça fait une société qui n'existe plus qu'à la manière d'une série de griefs qui se rencontrent dans l'espace public. Hein. Notre société a en commun des griefs entre plusieurs groupes qui adressent des griefs au collectif, bien que ce soit un collectif de plus en plus insaisissable. Donc ça, c'est un vrai problème ici. C'est-à-dire la perte de l'histoire nationale, lorsqu'elle se répercute au niveau collégial, lorsqu'elle se répercute au niveau universitaire, au niveau du secondaire, on assiste à une société qui voit la conscience nationale elle-même s'effriter. Puis dernière chose qu'on a mentionnée ici, c'est que et ça peut paraître banal, mais c'est d'une vérité, une société qui est incapable d'avoir des repères historiques efficaces et durables dans le débat public est une société qui va se perdre dans un culte du temps présent et elle ne sera plus capable de comprendre les débats qui l'habitent. En le meilleur exemple, on va célébrer là, dans la nuit du 4 au 5 les 30 ans du rapatriement de la Constitution, les 30 ans de la nuit des longs couteaux. Mmh. Eh bien, cette question qui est fondamentale, qui détermine encore aujourd'hui les rapports Canada-Québec, on l'a oublié. On a décidé qu'elle ne comptait plus historiquement. Ça ne veut pas dire qu'elle ne continue pas d'agir politiquement. Ça veut tout simplement dire qu'on a fait un décret d'oubli. On semble oublier quelquefois que l'amnésie mène à l'apathie. Oui. OK. C'est vraiment très intéressant. Honnêtement, monsieur Bocoté, je suis un peu néophyte dans ce sujet-là. C'est pas un sujet que j'ai suivi beaucoup. Par contre, je suis très sensibilisé à l'enseignement de l'histoire du Québec et je suis d'accord avec vous que l'identité québécoise est très souffrante présentement et qu'on ne l'enseigne plus et tout ça. Ouais, il y a une question, moi, qui émerge de votre discours et tout ça. Quand vous parlez qu'elle s'est faite au profit des minorités et tout ça, j'ai la difficulté à dissocier l'histoire de ces minorités-là à celle de ma nation parce que je trouve que l'idée notre nation, selon moi, est fait plusieurs sous plusieurs chapeaux, en fait, je disais pas sous chapeaux là, mais la grande nation québécoise a comme plusieurs facettes, et c'est pas justement en faisant l'histoire de ces facettes là qu'on découvre une histoire nationale. J'ai un petit peu de difficulté à dissocier l'un de l'autre. C'est que dans la recherche avant, la dissociation était faite. C'est-à-dire, on a commencé à faire... Évidemment, c'est une vision très, je dirais, très caricaturale des minorités qui se fait souvent. Il faut bien voir, la minorité n'existe que dans un rapport victimaire. Donc, la minorité n'existe qu'à partir des griefs qu'elle formule par rapport à la société. C'est la formule de l'historien Claude Ribbe en France qui disait qu'il ne faut plus étudier aujourd'hui ceux qui sont morts pour la France, mais ceux qui sont morts à cause de la France. Donc, on renverse la perspective d'une certaine manière. Donc, évidemment, si vous me dites qu'une société est composée de plusieurs groupes sociaux, évidemment que c'est vrai. Évidemment qu'une société est composée de plusieurs groupes, mais autrefois, il y avait un récit unificateur qui était le récit qui permettait de tenir ensemble ces nombreuses allégeances à l'intérieur du parcours d'une même société. Aujourd'hui, à partir de ce qu'on appelle en France l'idéologie pénitentielle, le discours de la repentance, désormais l'histoire doit être vue, on retourne vers le passé et désormais on ne voit que des groupes, comme je dis, minoritaires au sens caricatural du terme, qui adressent des griefs à la société. J'ai été victime de, et ainsi de suite. Eh bien, la société, de ce point de vue, la mémoire a de plus en plus l'allure d'une concurrence des mémoires, d'une guerre des mémoires. C'est une formule qui n'est pas de moi, mais qui est de l'historien Pascal Blanchard ici. Il y a une concurrence des mémoires, une guerre des mémoires, donc, et à travers cette espèce de tiraillement des récits, des identités qui vient avec la pression du multiculturalisme idéologique, eh bien, la conscience nationale elle-même s'effrite. Alors, évidemment qu'il faut, l'histoire nationale ne s'écrira plus aujourd'hui comme elle s'écrivait il y a 150 ans. Hein. Elle ne peut plus être l'histoire héroïque, glorieuse, magnifique, qui pousse à vouloir se sacrifier sur le champ de bataille. Mais est-ce que nous pouvons réhabiliter la notion de monde commun? C'est-à-dire, l'histoire nationale ne peut pas être que la rencontre de différences. Il y a un monde commun qui doit être revisité et réhabilité comme l'espace où se rencontrent ces nombreuses subjectivités. Un monde commun qui est justement fondateur de cette continuité nationale. Je crois que derrière tout ce débat, la question est de savoir s'il doit y avoir un monde commun et surtout si ce monde commun doit d'abord trouver ses assises dans la majorité historique francophone. Dans ce débat, je fais partie de ceux qui croient que ça doit être le cas. Mais est-ce qu'on n'aurait pas un peu de difficulté aujourd'hui à revenir à une description de ce monde commun-là, parce que avec toutes les identités qui éclatent, puis la mondialisation Internet sont pas ont participé à ça aussi, on a de plus en plus de difficultés à définir, même à voir, à saisir un monde commun. On n'est même plus capable de l'expliquer, peut-être parce qu'il existe. Je crois que ce que vous décrivez, juste pour, c'est pas assez bête à dire, mais pour une partie du milieu intellectuel, certainement. C'est-à-dire, le milieu intellectuel fonctionne effectivement de manière très éclatée, l'espace national lui semble désuet. Mais regardez le rapport que les Québécois entretiennent avec leur histoire. Je donne souvent deux exemples ici. Comment le cinéma québécois est-il parvenu à renaître au cours des 10 dernières années? Eh bien, d'abord, en revisitant tous les mythes les plus poussiéreux du Canada français. Hein? Aurore, l'enfant martyr, Séraphin Poudrier, le survenant Maurice Richard. Le cinéma québécois a trouvé la matière à sa popularisation en revisitant tout un bagage de souvenirs qu'on avait classé arbitrairement sous le signe de la grande noirceur. Ouais. Les Québécois étaient preneurs de leur propre passé. C'est vrai, mais il y a l'émergence aussi, si vous me permettez, de jeunes cinéastes aussi qui ont pris autre chose que l'histoire comme sujet, qui ont tracé des portraits très, très présents d'une nouvelle génération. On parle aussi de Léopold, de Niveau-Neuve, on parle de tous ces gens-là aussi. Le cinéma québécois, une manière pour lui de se gagner le grand public. Je ne dis pas seulement le public des amateurs cultivés là-dessus, mais le grand public est parti à la rencontre de son cinéma parce que celui-ci, en partie, a donné une importance à revisiter les vieux mythes du Canada français. Même Jerry Boulet à ce titre-là. Ça, c'est l'autre version. Ça, c'est la Révolution tranquille. Ouais. Regardez les livres d'histoire qui sont les plus vendus au Québec souvent. Ce sont souvent les biographies des grands hommes de la Révolution tranquille. C'est René Lévesque, c'est Jacques Parizeau. Et à travers la biographie, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que l'histoire se dévoile dans sa complexité. D'un côté, ça permet à travers le récit d'un homme de faire le parcours de toute une société. Et au même moment, parce que ce récit est centré sur cet homme, ça nous montre comment l'histoire aurait été différente si ça n'avait pas été de lui. Donc voilà, la biographie là-dessus est probablement le genre historique le plus populaire parce qu'il rassemble tout ce qui est discrédité dans le discours savant aujourd'hui. C'est-à-dire la possibilité qu'ont les hommes de faire leur histoire par des décisions, donc ce ne sont pas que des forces profondes, sociales et économiques qui agissent, la politique compte. Ensuite, c'est une histoire qui prend son sens parce qu'elle est nationale, le récit qui est fait est celui d'un peuple dans son ensemble malgré sa diversité. Donc on a véritablement, je dirais, au niveau populaire, une double attente. Réhabilitation, on l'a vu avec les, comme je l'ai dit, les vieux mythes canadiens-français. On veut se réapproprier cette histoire qui parle d'un monde commun. On veut se réapproprier une histoire au temps présent qui a une dimension politique. La question de savoir comment faire tenir ça ensemble aujourd'hui dans le discours historique, c'est un enjeu tout à fait important. Bon, maintenant qu'il nous reste plus beaucoup de temps, j'aimerais venir à la question que je voulais vous poser depuis le début. Jocelyn Letourneau, titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire du Québec contemporain à l'Université Laval, a continué cette controverse-là en accusant un peu le rapport d'Éric Bédard et de Myriam Darcy sur cette histoire nationale négligée, en écrivant un long article dans Le Devoir pour dire, en fait, tous ceux qui font partie de la Fondation Lionel Groulx ainsi que de la Coalition pour l'Histoire de laquelle fait partie la Fondation Lionel Groulx sont des gens qui sont, là, en gros, ils passent en revue toutes ces personnes-là dont vous-même disent que vous êtes, bon, l'un est un patriote de l'année, l'autre est un ancien ministre du premier gouvernement Lévesque, l'autre est un ancien président des jeunes péquistes, l'autre est un indépendantiste avoué, l'autre est un président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, etc., etc., etc. Finalement, en fait, son article mise beaucoup sur dire ces gens-là sont des nationalistes. Et il vous accuse, en fait, d'être un think tank, là, si on veut. Là. Dans le fond, tout ce qu'il dit, c'est... Mais c'est écrit dans une manière de scandale qui fait que c'est comme si c'était très, très mal d'écrire de faire partie de groupes qui militent pour une idée à laquelle on tient. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Ouais, mais j'étais un peu perplexe, comme à peu près tous ceux qui ont lu cette lettre, en disant, bon, est-ce que Jocelyn Letourneau vient de faire la découverte qu'il y a des souverainistes au Québec? Et si oui, est-ce que le fait d'être souverainiste suffit à discréditer le point de vue de ceux qu'ils sont? Manifestement, c'était sa méthode, c'est-à-dire il a regardé ça, il a vu qu'effectivement, il y a des gens plus souverainistes, d'autres plus nationalistes, et ainsi de suite, qui étaient là-dedans, et il a cru qu'identifier les convictions souverainistes de la mouvance qui pourrait être celle des auteurs du rapport, suffisait à le discréditer. Bon, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une espèce de culpabilité par association. Personne n'a senti le besoin de répondre au texte de Letourneau parce qu'il nous gênait un peu. C'est-à-dire, il y avait quelque chose qui avait l'air du rapport policier là-dedans, du rapport d'enquête, le rapport, un espèce de rapport qui faisait la liste des coupables et qui montrait, par exemple, la formule indépendantiste avouée. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette formule-là? Je veux dire, c'est comme communiste avoué, tant qu'à y être. Donc, il y avait quelque chose dans le rapport Letourneau qui fait qu'on a eu on peinait à vouloir lui répondre intellectuellement parce que la charge qu'il lançait n'était pas intellectuelle, mais policière. Alors, à faire des listes, il aurait pu continuer à faire la liste des gens qui ont un propos sur l'histoire, qui sont nationalistes, qui sont souverainistes. Il aurait pu continuer à s'intéresser à ça, puis il aurait pu remplir plusieurs pages du devoir. Mais en dernière instance, il y avait quelque chose d'un peu gênant dans ce refus de Letourneau d'argumenter sur le contenu de l'étude de Bédard et Darcy, hein, parce qu'il y a quand même d'un contenu, il y a des propositions, il y a des analyses, puis de se contenter de faire une filiation idéologique de chacun des auteurs et chacun de leurs amis. Il arrive qu'on soit sans voix, non pas parce qu'on soit sans argument, mais parce qu'on se demande qu'est-ce qui se passe. Oui, surtout qu'on pourrait se dire, c'est comme s'il disait qu'il y a un conflit d'intérêts, alors que là, c'est pas un conflit d'intérêts, c'est des intérêts qui vont dans le même sens. C'est pas, il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Non, peut-on dire, est-ce que le fait d'être souverainiste discrédite à jamais quelqu'un d'intervenir dans l'espace public? Oui, c'est un peu. C'était ce qui était sous-entendu par Letourneau. Je serais curieux, quant à moi, de savoir quelles sont ses convictions idéologiques, puisqu'il a déjà confessé quelque part, je crois, dans Passé à l'avenir, qu'il croyait que le Canada, comme expérience historique, devait se poursuivre et que le Québec devait y participer. Dois-je conclure que son point de vue était connoté, motivé par son fédéralisme avoué? Et de ce point de vue, est-ce qu'on devrait ne pas tenir compte de son point de vue dans le débat public? Je n'affirmerai pas ça, mais il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans le fait de reprocher aux autres leurs convictions, tout en se disant qu'on a droit aux siennes. Hubert Raquin, déjà en 62, décriait cet état de choses qu'on ne pouvait pas parler au Québec sans être tout de suite catégorisé et un peu vidé de notre substance en disant c'est sûr qu'il va dire ça, c'est ça qu'il pense. Comme c'est la stratégie de l'étiquetage idéologique. Voilà. Dernière question, je me demandais, si on essaie de grossièrement diviser la controverse en deux camps, donc ceux qui disent l'histoire nationale est négligée et c'est une mauvaise chose, et ceux qui disent, voyons, lâcher prise, est-ce que les historiens sont partagés également? Vraiment, hélas. La majorité des historiens, fait partie de ceux qui décrit le rapport, qui en disent beaucoup de mal, parce que la corporation historienne, aujourd'hui, fonctionne justement sur cette cette censure de l'histoire nationale, sur ce refus de l'histoire nationale. Mais ce qui ne veut pas dire la science n'est pas la démocratie. Hein. C'est-à-dire, en démocratie, si vous avez 51% des gens contre vous, ça compte. Dans la science, quelquefois, une seule personne peut avoir raison contre 25. Mmh. Eh bien, dans les circonstances, c'est pas un contre 25. Il y a plusieurs historiens, Charles-Philippe Courtois, Frédéric Bastien, Éric Bédard, des sociologues, Jacques Beauchemin, Joseph-Yvon Thériault, moi-même, plusieurs sociologues, plusieurs historiens ont pris position dans l'espace public là-dessus, mais on peut dire que la profession historienne, majoritairement, n'était pas favorable au rapport. Il faut bien voir d'ailleurs que Bédard propose, à la fin de son rapport, la création d'une nouvelle école dans le cadre de l'Institut national de recherche scientifique qui serait consacrée à l'histoire nationale pour être capable de créer ne serait-ce qu'un lieu dans tous les départements d'histoire, rajouter un lieu qui ferait de l'histoire nationale son champ d'intérêt, son champ de recherche. Et même là, la proposition ne fait pas l'unanimité chez les historiens. Heureusement, elle a été reprise par deux partis politiques, le PQ et Québec solidaire. On peut espérer que cette solution trouve de l'écho politiquement, finalement. Je souhaite aussi, ne serait-ce que pour que cette discipline-là ne se perde pas complètement. Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu Bock-Côté. Au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Donc voilà, c'était Mathieu Bock-Côté, sociologue et philosophe, qui nous exposait sa vision de l'enseignement de l'histoire nationale, l'histoire du Québec et du Canada, qui sont quelque part intimement liés également. Donc nous, on va quitter avec un bloc pub et un bloc musical. Brassens et Renaud nous attendent de l'autre côté de la pause. Et au retour, qu'est-ce qu'on fait, Catherine? Michel David, éditorialiste au Devoir, qui nous explique le piège de l'élection partielle de Bonaventure, comment Legault risque d'être perdant, peu importe ce qui arrive. Moi, j'ai bien hâte à ça. Alors là-dessus, bloc pub et on revient tout de suite après. Le jeudi au sacrilège, c'est les jeudis chauds. La formation Obatala vient nous présenter son troisième album. Plus efficace que jamais, les rythmes endiablés de tous les coins du monde mettent le feu. Pour une soirée endiablée, Obatala, c'est le groupe à voir. Obatala, ce jeudi 3 novembre à 18h. Spectacle gratuit et spéciaux sur plusieurs consommations. Les jeudis, rendez-vous au sacrilège, 447 rue Saint-Jean. En visitant le Salon de l'économie sociale, les occasions ne manqueront pas de découvrir des initiatives qui réinventent l'économie près de chez vous. Près de 30 exposants provenant d'une multitude de secteurs seront présents. Soyez des nôtres le 5 novembre au Centre commercial Fleur-de-Lys afin de vous informer sur l'économie sociale. Cet événement est rendu possible grâce à Pôle régional d'économie sociale, Conférence régionale des élus et la CEDEC de Québec. Elle est douce et coule bien en bouche. Une explosion d'agrumes qui me monte au cerveau. Elle vient seulement en grand format. Elle me donne des frissons. Avec elle, je deviens chaude. La nouvelle bière, la CKRL. Une autre façon de déguster votre radio préférée, le 89.1. Cette bière des maîtres brasseurs de la Barberie est seulement disponible à l'accommodation GD, 500 3e avenue. Mais vous pouvez aussi la déguster au bar Le Sacrilège et au bal du Lézard. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais au Théâtre de la Mortée, 315 rue Saint-Joseph-Est, à la librairie Pantoute Vieux-Québec, 1100 rue Saint-Jean et Saint-Roch 286 rue Saint-Joseph-Est, et au Centre de yoga de Québec, 1355 3e avenue Limoilou. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais. Ça peut être pire. cailloux. J'en voudrais dans une glace à la place des joujoux. Des cachots sur ta guitare, j'en jetterai aussi. Si tu serres moi trop large, chanter des conneries. Des cachots sur ta guitare, j'en jetterai aussi. Si tu serres moi trop large, chanter des conneries. Marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignon, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux, sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies, perdant toute mesure, se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol. En voyant ces braves pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore sous la forme de Maccabée. De la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hippipipoura. Frénétique, l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle ce qui passe à sa portée. Il tombe, tombe, tombe, tombe, et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leurs victimes avaient eu leur compte en deniant, ces furies comme outrage ultime en retournant à leurs oignons. Ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas. Leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas. On est parti d'en bas de la côte, on a monté jusqu'en haut, jusqu'au château, avec des grosses portes. Personne dans ta vie qui s'en vient boire à ta fontaine. Asseoir, asseoir, au bord de l'eau, t'en auras beaucoup. pour rien que pour te jeter dans le noir. Et on est de retour à l'antenne de la fausse patte, mesdames et messieurs. C'était le bloc musical complété par Richard Desjardins. En fait, c'est le groupe Abitibi sur leur album, excellent album, Chaud était la nuit, la chanson Les Mammifères. On a entendu Hécatombe de Georges Brassens. Et pour commencer, c'était mon grand ami Renaud avec Marchand de cailloux. Donc, mesdames et messieurs, on vous avait promis M. Michel David, éditorialiste au Devoir, pour nous parler de la question. Entre autres, son éditorial d'hier, 1er novembre, qui parlait de cette fameuse partielle qui aura lieu dans Bonaventure. Et il disait que c'était l'élection de tous les dangers pour M. François Legault. Malheureusement, dû à un problème personnel, on a pu rejoindre M. David, qui ne peut pas être avec nous en ondes présentement. Mais Catherine, on va quand même se permettre d'expliquer à nos auditeurs en quoi ça consiste. Parce que, bon, au niveau le paysage, mesdames et messieurs, on vous en parle depuis plusieurs semaines ici à la Fausse Patte, sur les ondes de CKRL, le visage politique de Québec, la carte de l'Assemblée nationale est en train de changer. Dans les prochains mois, d'ici peut-être 2 ans, ça n'aura peut-être même plus la même saveur, la même disposition. Et la prochaine étape, c'est-à-dire cette élection partielle, pourrait être, selon M. David, un baromètre pour la suite des choses au niveau de la politique à l'Assemblée nationale du Québec. Alors, Catherine, explique rapidement des technicalités en quoi ça pourrait être si important. Donc, c'est ça, le comté qui a été délaissé par Nathalie Normandeau va devoir a besoin d'un député et à l'élection partielle qui aura lieu dans un mois, si François Legault décide de ne pas présenter de candidat parce que soit il dit qu'il n'est pas prêt ou je sais pas quelle raison pourrait sortir, mais selon Michel David, s'il n'ose pas présenter de candidat, il va avoir l'air un peu d'une poule mouillée qui ne veut pas mettre au test des urnes cette popularité dont il jouirait, selon les sondages. Et donc, ce serait très mauvais pour lui. Par contre, s'il présente un candidat, et même si ce candidat-là, et surtout si ce candidat-là se fait élire, ce qui est mauvais pour lui, c'est que le score du candidat péquiste risque d'être extrêmement piteux dans l'état des choses. Et c'est aussi mauvais, ça, pour François Legault, parce que, connaissant tout ce qui arrive à l'intérieur des caucus de chaque parti politique, si le PQ, avec le candidat qu'il présente dans Bonaventure, se retrouve avec un score, comme je le disais, très piteux, ce qui risque d'arriver, c'est que la pression ce soit un peu une consécration de la non-capacité de Mme Marois à relever le PQ, puis un peu une espèce de un test, une preuve que ça ne fonctionne pas, et la pression pour, entre guillemets, mettre du CEP à la place de Marois risque d'être encore plus forte, ce qui est très mauvais pour Legault, parce que comme on l'a vu dans le sondage d'avant-hier, ou d'il y a 3 jours, si du CEP se présente comme chef du PQ à la prochaine élection, il ramasse 37% des intentions de vote contre 25% pour Legault. Énorme différence. Et Legault, finalement, ne se fait pas élire. Puis lui, comme on le sait, il n'a aucune envie d'être dans l'opposition. Il est là pour être au pouvoir. Puis s'il n'est pas au pouvoir, je sais même pas si... Je doute de sa volonté à vouloir faire partie de l'opposition. C'est extrêmement... Oui, excuse-moi si tu permets. C'est extrêmement dichotomique. Hein. C'est vraiment paradoxal au niveau du vote populaire. C'est juste un sondage, évidemment, un sondage qui est paru dans le journal de Montréal d'hier. Écoutez, on a sorti le Bloc québécois en bloc, sans mauvais jeu de mots, de la scène fédérale le 2 mai dernier. Pourtant, et tout ce qu'il y a comme victoire au niveau du Québec, au niveau fédéral, le retour de la péréquation là, qui a été battue en grande pompe, là, que Jean Charest a accueilli à bras ouverts, c'est qui a battu ce fer-là pendant plusieurs années pour arriver à ça? C'est le Bloc québécois qui a eu pendant plusieurs années une certaine balance du pouvoir à la Chambre des communes par son poids. Et ça, c'est Gilles Duceppe là, qui a été champion de ça depuis longtemps. Et la dichotomie est là maintenant, on veut plus lui au niveau fédéral, eh ben, on a décidé de le prendre, de le monter en champion pour pouvoir aller chercher le Parti québécois, pour représenter le Parti québécois plutôt, et défendre nos intérêts et en faire un premier ministre. Donc, c'est un peu particulier au niveau de cette situation-là idéologique, comme quoi on est peut-être un petit peu girouette au niveau de notre vote. Alors, Catherine, selon toi, d'où ça vient? Il y a plusieurs chroniqueurs qui disent que c'est parce qu'on s'en veut un peu d'avoir tassé Gilles Duceppe si rapidement. Ouais, ben ça se pourrait, mais j'ai aussi, je suis désolée, j'ai pas la source, je me souviens plus où j'ai lu ça, mais j'ai lu qu'un sondage qui avait été réalisé par Internet auprès de gens qui avaient voté pour le NPD, finalement revenait à la conclusion que les gens n'avaient pas voté pour le NPD parce qu'ils étaient pour ces valeurs de gauche-là, n'avaient pas voté pour le NPD parce qu'ils trouvaient que la souveraineté était dépassée, n'avaient pas voté pour le NPD parce qu'ils voulaient tant que ça contrer les conservateurs, c'est une des raisons, mais que la principale raison, celle qui arrivait au top de la liste, c'était par ennui. Donc ça en dit long sur... pas tant sur l'électeur québécois, je dirais, mais sur la capacité de soulever l'intérêt qu'a en ce moment la classe politique au Québec. Fait que c'est ça, il n'y a pas vraiment de lien. C'est comme si la politique était devenue quelque chose de tellement ennuyant que, bon, quand on nous demande notre avis là-dessus, n'importe quoi dont la qualité première serait de nous désennuyer, de faire changement. Écoute, moi, je suis un peu là... Bon, j'ai mon opinion là-dessus, évidemment, là, je trouve que ce que j'aime de M. Gilles Duceppe, c'est qu'au Québec, on a toujours aimé les premiers ministres, les chefs qui avaient une figure presque de bon père de famille, tu sais, qui avaient des idées bien, bien précises, qui savaient les faire passer, qui avaient un discours fort, très affirmé, qui avaient l'air en confiance, qui avaient l'air d'avoir les épaules et le dos solides. On reproche beaucoup dans le Journal de Québec, le chroniqueur, encore une fois, j'oublie le nom, il dit, faudrait pas que Duceppe débarque avec le même discours victimisant, syndicalo, souverainiste. Il faudrait qu'il revampe son discours. Mais moi, je pense que c'est un homme qui... on aime bien les justiciers, hein, les Québécois. Et même dans les débats des chefs qu'il faisait au fédéral, même les Canadiens anglais le mettaient gagnant. C'est un homme qui, justement, a passé sa vie à revendiquer des choses et à se battre pour des idéaux. C'est le fils de Jean Duceppe, n'oublions pas, qui est un très grand patriote. C'est un très bon orateur, Gilles Duceppe. C'est un homme qui connaît extrêmement bien ses dossiers, qui est renseigné. C'est un excellent politicien. Et je pense que c'est un homme qui a des vraies valeurs, qui est... je ne le connais pas personnellement, évidemment, mais le voir le soir du 2 mai, complètement dépité, mais en même temps, il avait l'air d'être dans une certaine sérénité. Mais il avait l'air d'assumer cette défaite-là. En fait, ça a eu l'air... Quand on l'a vu dans les entrevues, après, c'est comme si, au lieu de dire « je continuerai à me battre, je tatata », il était vraiment en état de dépôt, comme s'il laissait la chose lui rentrer dedans. Puis que c'est l'image d'un gars qui s'était fait rentrer dedans, qui l'acceptait ouvertement de nous donner. Voilà, il avait l'air extrêmement humain. Je pense que c'est un des politiciens que moi je considère qui me semble être le plus franc et assumé dans ses propos, dans ce qu'il dit. Le bloc a coulé. Il est allé au front pour assumer cette défaite-là, comme tu dis. Et je pense qu'il est... Il s'est jamais joué de personne. Justement, il a peut-être payé pour sa trop grande franchise dans les dernières années. Et c'est peut-être pour ça que les Québécois se retrouvent un peu plus dans cet homme-là. Parce qu'on s'entend que M. Legault, à part l'aspect nouveauté, il est assez chancelant. C'est-à-dire, au niveau girouette, il n'y a pas plus tard qu'il y a 5 ans, il a déposé un document sur la faisabilité de la dépendance du Québec au niveau économique. Ouais. Et là, tout d'un coup, bang, il ne l'abandonne pas vraiment. Il la met sous tutelle pour 10 ans parce que c'est ce que les Québécois veulent entendre. On n'a pas l'impression, derrière Legault, derrière tout ce qu'il fait, qu'il y a une ligne de pensée solide, qui est basé sur des principes personnels de cet homme-là. On n'a pas l'impression d'avoir face à nous quelqu'un comme ça. L'impression d'avoir face à nous quelqu'un avec M. Legault d'assez original, qui ose aller sauter quelques limites non dites, là, de dire « ben moi, je vais proposer telle chose que personne n'ose encore proposer » puis qui a bien du sens. Mais on n'a pas l'impression d'avoir un homme de principe qui va se rapporter à ses principes à l'intérieur de lui-même chaque fois qu'il est question de prendre des décisions parmi les plus importantes, contrairement à Duceppe. En même temps, il a la réputation d'être un... Duceppe a la réputation d'être un chef assez autoritaire. C'est ce qu'on dit à l'intérieur du milieu politique. que c'est quelqu'un de très qui s'impose et qui des fois fait prendre des directions puis le parti est obligé de suivre puis mais peut-être qui sait que pour un parti comme le Parti québécois ça prend quelqu'un de même, je sais pas, on dit souvent que les troupes péquistes sont indisciplinées, sont tout le temps les uns contre les autres, ils sortent dans les médias les uns contre les autres. Peut-être que s'il y a quelqu'un qui est capable d'inspirer une certaine, entre guillemets, là, crainte, ça peut ne pas nuire à ce parti-là. En fait, c'est que quand on essaie de faire plaisir à trop de monde, on démontre qu'on est incapable de défendre un idéal. On n'est pas capable. Je pense qu'un bon chef, à mon sens, ce doit être celui qui va aller au bat en bon français pour ses idées, qui va être prêt à affronter n'importe qui parce qu'il a l'intime et la profonde conviction qu'il a raison. C'est peut-être ça, ouais, ce dont les Péquistes ont besoin, parce que là, présentement, Mme Marois, avec sa gouvernance souverainiste, c'est pas l'indépendance, c'est pas la souveraineté association, c'est une idée, c'est la souveraineté association encore plus édulcorée, ça se rapproche presque même de l'autonomie, l'autonomisme de la DQ. Mais je pense que c'est pas juste ça, je pense que si elle y croyait, si elle proposait ça en disant... Mais peut-être que c'est les médias qui la servent pas aussi. Moi, je laisse encore un doute à qui c'est. T'sais, c'est parce que moi, je suis allée à la marche, parenthèse, je suis allée à une marche pour l'indépendance le 29 octobre, dont on a parlé la semaine passée. Et j'ai assisté à ça. Les journalistes ont posé des questions à tous les hommes politiques, les femmes politiques qui étaient là. Et j'étais proche de ces gens-là. Je voyais les questions, j'entendais les questions. C'était toujours les deux mêmes. Et l'une de ces questions-là, c'était ben là, vous trouvez pas que le mouvement est désuni, alors que c'était une marche d'unité de tous les mouvements souverainistes. Mais la deuxième, plus importante, c'était le leadership de Mme Marois. La question, le leadership de Mme Marois. Évidemment, tout le monde répondait à cette question-là. C'est la question que le journaliste lui pose. Mais ça veut dire que dans ce que les journalistes vont prendre pour faire un topo de la marche, ça va être le sujet numéro un ou le sujet numéro deux. Ça va être dans les deux sujets les plus importants. Fait que chaque fois qu'on parle de Mme Marois, on ne parle que de son leadership. Ça lui sert pas. On peut pas savoir vraiment ce qui se cache derrière. Il est là, moi, le problème que j'en ai avec ça. Je pense que quelqu'un qui est assez fort, qui est assez convaincu de ces choses, qui vraiment marche vers des idéaux et qui a une personnalité assez forte pour être chef, va savoir outrepasser cette presse-là. C'est-à-dire que... Ouais, mais là, il posait pas la question à Mme Marois, il posait la question à tous les autres. Fait que même aux gens qui marchaient dans la rue, là. Mais est-ce que Mme Marois est capable d'affronter ça, d'aller de front vers les journalistes et les confronter? Par exemple, Lucien Bouchard, qu'on dise ce qu'on veut. Présentement, M. Bouchard, moi, j'aime pas ce qu'il fait. Mais lorsqu'il arrive devant les gens pour leur parler de gaz de schiste, ben, tout le monde se tait. Ouais. Quand il parle, on écoute. Est-ce que Mme Marois, on écoute quand elle parle? Non. J'ai le sens. C'est peut-être ça. On écoute quand elle parle. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que c'est bêtement un trait de caractère qu'elle n'a pas qui lui nuit, parce qu'on n'arrive pas à savoir, on peut même douter, on n'arrive pas à savoir si il y a des principes derrière cette femme-là. On n'arrive pas à savoir est-ce que c'est vrai, parce que si elle croyait à la gouvernance souverainiste avec tout son cœur, puis qu'on arrivait à avoir devant nous quelqu'un qui défend cette chose-là de toute sa personne en disant « je vais vous expliquer pourquoi c'est la meilleure chose », ben on aurait au moins les oreilles ouvertes à savoir c'est quoi. Là, on sait même, la majorité des gens savent même pas c'est quoi la gouvernance souverainiste. Tout ce qu'ils savent sur la gouvernance souverainiste, c'est que c'est une mauvaise idée qui est défendue par Mme Marois et qui est très controversée. Donc, elle n'arrive pas à imposer ses principes, ses idées, et ça fait même qu'on n'est pas capable de savoir s'il y en a des principes, des idées derrière. Et voilà. Donc, historiquement, on va essayer de faire un topo rapide. Pourquoi M. David parlait de cette fameuse élection partielle? C'est qu'il y a maintenant, dans les années, début des années 90, c'est Gérard Delévesque, le libéral, qui était là depuis des lustres et des lustres, et qui a été battu, si je me souviens bien, par un péquiste à l'époque. Et ça avait donné le ton, justement, à la défaite, à la future défaite de Daniel Johnson face... c'était Lucien Bouchard à l'époque, Catherine, tu te souviens-tu? Non. Enfin bref, c'est que cette circonscription-là a souvent servi de baromètre à la prochaine tangente politique, et présentement, M. David se servait de ça historiquement pour mettre en contexte François Legault, qui justement, c'est cette partielle-là pourrait être extrêmement déterminante pour lui, parce que s'il ne s'y présente pas, on va dire qu'il n'est pas prêt, et s'il présente, ben, il pourrait vraiment, vraiment jouer le tout pour le tout, parce que s'il est battu, eh ben, ça va démontrer qu'il est en... Non, mais c'est surtout la crainte, c'est s'il n'est pas battu, ou si la division du vote fait que les Charest est réélu. En fait, peu importe si François Legault se présente, le PQ va avoir un score très bas. Et si le PQ a un score très bas, les péquistes vont vouloir encore plus mettre Marois à la place de Marois. Voilà. Et là, c'est aux prochaines élections que Legault va être... Qui gagne ou non l'élection partielle, il va se retrouver un peu... il est peut-être mieux de présenter personne, mais c'est pour que le PQ n'ait pas un score trop bas, mais s'il ne présente personne, ben, il a l'air de quelqu'un qui n'est pas game de présenter son de mettre au test de la réalité tous ces sondages qui le mettent sur un nuage depuis quelque temps. Et voilà, tout ça est très intéressant et j'aurais aimé savoir ce que M. David pense de la place de Québec solidaire et d'Option nationale qui vient tout juste d'arriver dans ce fameux casse-tête qui va débarquer. À la prochaine émission peut-être. À la prochaine émission peut-être. Alors encore une fois, désolé, nous devions avoir l'éditorialiste du Devoir, Michel David, qui devait se prononcer, expliquer son éditorial d'hier. On vous invite à aller le lire, évidemment, sur le site Internet du Devoir, qui nous parle de cette partielle qui aura lieu dans Bonaventure. Nathalie Normandeau a laissé son siège et qui pourrait être celle de tous les dangers pour François Legault et son tout nouveau parti, la Coalition pour l'avenir du Québec. Donc, le titre de son article, c'est « Le piège de Bonaventure ». Voilà. Donc, mesdames et messieurs, au retour, on va sur une toute autre scène. Vous êtes toujours à l'écoute de La Fausse Patte sur les ondes de 89.1. On va revenir au niveau local à Québec. Il y a plus de 10 ans de ça, il y a quelque chose qui a frappé la conscience collective et l'imaginaire. C'est la fameuse Opération Scorpion, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le réseau de prostitution juvénile qui a éclaté au grand jour à Québec. Avec le Wolfpack et tous les gangs de rue. Alors, on a décidé, à la fausse patte, vu que c'est un sujet qui est un peu oublié, qui est tombé dans la poussière, eh bien, de ramener des intervenants du terrain. On va avoir 2 travailleurs de rue, un qui travaille en banlieue à Beauport et une autre qui travaille surtout en prévention de la prostitution au centre-ville. Alors, Maxime et Catherine seront avec nous. Ils vont nous tracer un portrait de la délinquance, si on peut dire, au sein de la ville de Québec. Ils vont nous parler de leur travail, ils vont nous parler de ce que font les jeunes. Et là, on parle encore, l'image qu'on a encore de la rue à Québec, c'est les punks, mais on va nous expliquer que les choses ont beaucoup changé. C'est plus du tout la même chose. Donc, c'est une espèce de mise à jour sur la rue à Québec qu'on va se faire tout à l'heure au retour de la pause. Est-ce que je me trompe ou ces deux intervenants-là ont été par le passé eux-mêmes? Il y en a un qui, en fait, vous le verrez pas malheureusement, mais il a lui-même encore le look punk très assumé. Il a encore Il a été dans la rue lui-même. Il a fait partie un petit peu de la rue également. Donc, il va nous en parler de son expérience. Et puis, voilà. Petit bloc musical. On s'envoie justement la pièce de Villa Pingouin qui s'intitule « Délinquance » et puis pourquoi pas encore « Retour aux années 80 ». Un bon vieux rock, un groupe sous-estimé, ça va être « Corbeau illégal ». Mais pour l'instant, de l'album « Roche et roule »,« Villa Pingouin » et « Délinquance ». We'll be right back. moment où on se parle. Que ce soit sur la scène politique ou sur la scène économique. Dans le monde du sport. Au cœur de la communauté artistique. Ou encore à l'international. Tout autour de nous, les nouvelles font couler beaucoup d'encre. Le rôle de mon journal? Faire le tri parmi tout ce battage médiatique pour vous offrir un contenu culturel de qualité et une analyse pertinente de l'actualité. Pour y voir plus clair, je choisis Le Devoir. Montcalm, Limoilou, Saint-Jean-Baptiste, l'ancienne Lorraine. Les Duchesses 2.0 sont de retour pour une troisième année. Tu as toujours rêvé de porter un chaussure de N'attends plus. Duchessise-toi. Nouveauté cette année, il y aura un Duchesse. Mesdames et messieurs, de 18 à 100 ans, rendez-vous à Renonjance Duchesse avec un S.com et remplissez le questionnaire pour devenir Duchesse. Date limite, 18 novembre. La Renonjance des Duchesses 2012. Ce sera la fin du monde. Tu es vraiment infernal. Influencé par les courants musicaux et les grands bouleversements américains et britanniques des années 60 à aujourd'hui. C'est l'opineur du chef. Les jeudis soirs, 20h, Denis Barry. 33, 41, 18. Influencé par les courants musicaux et les grands bouleversements américains et britanniques des années 60 à aujourd'hui. C'est l'opineur du chef. Les jeudis soirs, 20h, Denis Barry. 33, 41, 18. Press the button again. Influencé par les courants musicaux et les grands bouleversements américains et britanniques des années 60. Un cadavre exquis musical. Voilà ce qui est né de l'union des tontons flingueurs et de l'homme scalp. Les tontons scalpeurs avec Jean-Philippe Boisbriand, Claude Brindamour et Michel Marcoux. Mercredi, 20h30. Seulement au 89.1. Et on est de retour sur les ondes de CKRL, l'émission La Fausse Patte. Donc, on est en studio présentement avec, on a plein de beaux monde, toujours Catherine avec nous. Oui, bien sûr. Et on a Maxime et Catherine, une autre Catherine, qui sont tous les deux travailleurs intervenants au niveau de la ville de Québec en délinquance. Donc, on va rapidement faire un petit tour de table, vous présenter. Tout d'abord, qui êtes-vous et pour qui vous travaillez et quel est votre mandat? Alors, Maxime, s'il te plaît. Oui, moi, je suis intervenant pour Trip Jeunesse à Beauport. Trip Jeunesse, ça veut dire travail de rue, intervention, prévention. Ça fait 6 ans que je suis intervenant là-bas en travail de rue. Donc, on appelle ça aussi travailleur social de rue. C'est une des appellations qui est utilisée. Très bien. Et ensuite, mademoiselle? Catherine. Donc, moi, je suis travailleuse de rue au projet Intervention Prostitution de Québec. Donc, je suis plus au secteur jeunesse, dans le fond 12-25. Puis c'est ça, ça fait moi vraiment pas longtemps que j'ai commencé, au mois de février, en fait, que j'ai débuté. Ah, une petite nouvelle, très bien. Yes. Alors, le but aujourd'hui, chers amis, c'est pas compliqué, c'est que on entend souvent là, de la part de ceux qui critiquent, par exemple, les mouvements comme Occupons Québec, que ça va pas si mal que ça à Québec, on n'est pas victime de... Comme si tout était beau dans le meilleur des mondes, avec les bisounours et les pouliches, mais ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui ont des difficultés dans la vie, tout ça, que ça se passe pas bien pour tout le monde. Et on est un petit peu ici pour démystifier tout ça, tracer un portrait social, voilà, des gens qui sont sur le terrain. La semaine d'il y a 2 semaines, comme on en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission, nous avions on a eu des gens qui sont venus nous parler, entre autres, de la défavorisation des banlieues. Donc, je vais commencer avec toi, Maxime, si tu veux bien. Oui. Cette défavorisation-là, ça veut dire qu'il y a des jeunes en difficulté et tout ça. Est-ce que toi, tu es surtout dans le secteur de Beauport, est-ce qu'il y a beaucoup de pauvreté au niveau à Beauport? Parce qu'on pense que les banlieues de Québec, c'est toujours cossu, mais c'est quoi le portrait qu'on peut en faire présentement? Ben, il y en a toujours eu, ça c'est certain. Maintenant, on a des nouvelles réalités aussi. Dans le nord de Beauport, puis le secteur Montmorency, le secteur Giffard, c'est des endroits qui avaient été identifiés là, antérieurement comme des endroits vivant plus de pauvreté. Maintenant, historiquement, dans les dernières années, avec la revitalisation du Nouveau Saint-Roch, il y a eu un déménagement où le monde a été un peu poussé à l'extérieur du centre-ville pour aller vers les périphéries, en quelque sorte. Maintenant, on voit beaucoup de gens qui étaient traditionnellement plus au centre-ville se chercher des appartements qui sont un peu moins chers dans les secteurs de Limoilou et même jusque dans le quartier Giffard à Beauport. C'est que ça, on en voit plus. Ces personnes-là, par contre, qui vont chercher des appartements, c'est des personnes un petit peu plus vieilles. On ne parle pas des jeunes de la rue ou de ce type de personnes-là. On parle de personnes au moins, généralement, début vingtaine et plus vieux. OK, très bien. Puis, il y a deux semaines, on nous a dit qu'il y avait toujours de la pauvreté au centre-ville. C'est bien le cas, Catherine? J'imagine que oui. Oui, tout à fait. Je pense que Maxime a parlé de la revitalisation. Puis je pense qu'on peut constater surtout des inégalités peut-être au niveau social. Donc, je pense que c'est important à mentionner, mais c'est pas parce qu'on a fait des genres d'efforts pour un peu camoufler ça ou pour, donner une belle image du nouveau Saint-Roch que ça n'existe plus puis que c'est pas une réalité, qui pourtant, Saint-Roch est à la base un quartier populaire. OK, finalement, ce que tu viens de dire, c'est quand même assez important. Tu dis qu'on essaie, dans guillemets, de camoufler, c'est-à-dire qu'on veut faire passer le quartier Saint-Roch pour un quartier in, mais il y a toujours ce qu'on... Avec la démolition du mail, c'était vraiment le symbole de l'itinérance à Québec et de la défavorisation. Et là, maintenant qu'il s'est parti, il faut pas oublier qu'il y a encore des gens, justement, lorsqu'on recule la rue du Roi, la rue de la Reine, la rue de la Salle, tout ça, ça demeure des quartiers habités par des jeunes défavorisés. Tout à fait, je pense que c'est important de le mentionner. Puis, justement, ce qu'on peut remarquer, c'est que, mettons, les personnes en situation d'itinérance vont être beaucoup moins tolérées, je dirais, on va essayer, justement, de venir intervenir si on voit des regroupements ou s'il y a de la sollicitation, par exemple, en enquêtant ou des choses comme ça. Fait que quand vous dites « on va intervenir », c'est la police? Je parle que ça peut être autant au niveau du service de police que aussi socialement. OK, les travailleurs sociaux. Les citoyens aussi, je pense, qui peuvent faire des dépressions, ou les commerçants aussi. Je pense qu'il y a peut-être une difficulté au niveau de la cohabitation envers les différents groupes de personnes. Donc, c'est ça. Je pense que des fois, il peut se ressentir des frustrations un peu plus au niveau des gens de la rue qui se sentent un peu constamment surveillés, bref, envahis finalement par tous ces gens-là qui... Ouais, je dis tout n'importe quoi, où il y a eu même des commerçants sur Saint-Joseph qui disaient, en face de l'église où il y a des groupes communautaires, qui disaient qu'ils devraient changer de bord de rue, changer de bord d'église pour pas... Ben, tout à fait, oui, puis je veux pas cibler aucun commerce en particulier, mais c'est important de dire que oui, certains vont dire que ça nuit à leur image, tout simplement, donc que ça pourrait faire en sorte qu'ils ont moins une clientèle importante. Donc, c'est sûr qu'on va faire pression pour repousser un peu ces gens-là, finalement. Puis, Christian, avais-tu une question? Poursuis. Du côté de la prostitution, je me demandais, j'en reviendrai à Beauport tout après, mais du côté de la prostitution, est-ce que c'est cette situation-là de gentrification du quartier fait que que c'est plus difficile de vivre pour les prostituées? Bien, c'est sûr que, je veux dire, il y a certaines razzias, je dirais, là, où que, bon, par exemple, je sais pas, ils vont déterminer un moment et là, bon, ils vont tenter d'identifier les personnes qui font, bon, soit de la sollicitation pour la prostitution. Donc, c'est sûr que oui, je veux dire, c'est quelque chose qui est surveillé. Puis c'est quelque chose, dans le fond, que, oui, effectivement, ça peut être difficile pour une personne qui fait le travail du sexe dans la rue. C'est surtout, je pense, la marginalisation, hein, puis la stigmatisation, puis le profilage social qui va être dérangeant. Donc, dans le fond, parce qu'on les connaît comme une travailleuse du sexe, ils vont peut-être des fois se faire intercepter pour une situation qui n'avait pas nécessairement de lien, là, finalement, avec la prostitution. OK. Et là, voilà. J'aimerais qu'on trace un portrait humain maintenant. OK. On s'est déjà rencontré dans d'autres circonstances, Maxime. Maintenant, le cliché qu'on a à Québec, évidemment, parce que le battage médiatique a été très fort à l'époque de la fête de la Saint-Jean, où un punk du carré de Jouville, surnommé Lyon, avait agi en tant que catalyseur au niveau des émeutes et tout ça, et que les punks avaient réussi à faire voir aux gens que c'était des gens pacifiques. Et là, tu me disais que les punks, c'est un peu, c'est plus ça le portrait de la délinquance, entre guillemets, à Québec, que ça a changé maintenant. À quoi ça se reconnaît maintenant? Ben, ça a beaucoup changé, c'est certain. Ça veut pas dire qu'il n'y en a plus, mais il y en a beaucoup moins qu'il y en avait dans les années 90, ça c'est certain. Les jeunes de la rue ont pu, je dirais, un uniforme typique, je vais le dire comme ça. Avant, c'était quasiment ça un peu. On pouvait reconnaître le jeune de la rue au look punk, puis je pense que ça reste un peu encore dans l'imaginaire populaire. Pourtant, c'est plus vraiment le cas. Première des choses, c'est que ces jeunes-là ont vieilli. Actuellement, ben, ces personnes-là, généralement, c'est les personnes qu'on va rencontrer dans les différents magasins qu'on va aller, les différents services. C'est du monde qui n'ont plus nécessairement l'air de ça, ou d'autres qui en ont encore l'air un peu, mais qui sont passés à autre chose. Les jeunes actuellement de la rue, donc mineurs, si on veut, c'est beaucoup plus un style, ils sont beaucoup plus influencés par le style rappeux, gangster rap, cette allure-là, qui est beaucoup moins marginale, puis qui est beaucoup moins identifiable comme étant en lien avec la rue ou un mode de vie différent. Donc, c'est plus subtil un peu. On pourrait rencontrer le jeune puis penser, bon, il s'habille comme ça, c'est la mode, comme un autre jeune. Puis le différencier du jeune qui va à l'école à tous les jours puis qui se lève le matin versus celui qui est en fugue, c'est plus difficile. C'est plus difficile qu'avant. On ne peut plus se baser simplement sur... l'apparence physique puis le premier regard. Il faut questionner un peu plus. Parce que c'est au niveau des... Je me souviens d'avoir discuté avec toi, c'est au niveau des valeurs, parce que le mouvement punk, c'était plus un rejet des valeurs capitalistes. Ça vient justement... on parlait de avec M. Healy il y a quelques semaines de Margaret Thatcher en Angleterre. C'est né à Londres. Le terme « underground », justement, qu'on applique à toute la musique et tout ça, ça vient du métro de Londres où se trouvaient les opposants au régime de fer. Donc, c'est plus des anticapitalistes. Maintenant, tu me racontais que les jeunes de la rue maintenant, ceux qui sont plus gangsters, c'est le contraire. C'est les valeurs d'aujourd'hui, mais poussées à un extrême. C'est ça, le fric, la possession, le matérialisme, il y a ça? Oui, effectivement. Ben, c'est assez étrange d'ailleurs, parce qu'on regarde les différents mouvements culturels liés avec la musique depuis les années 60. Ça a toujours été des mouvements contestataires qui allaient à une contre-culture, en quelque sorte. Puis là, on a comme une turbo-culture capitaliste. Dans le fond, on accentue les valeurs capitalistes et on les pousse à l'extrême dans le gangster rap. Donc, c'est un look, un style, un mode de vie qui a été vendu beaucoup par l'industrie musicale, contrairement au punk, par exemple, qui provenait des mouvements populaires. Mais c'est pas un peu contradictoire? Si les jeunes sont dans la rue, est-ce qu'ils sont conscients qu'ils valorisent cette chose-là, qu'ils valorisent le capitalisme ou l'argent, tout ça? S'ils sont dans la rue, je veux dire, théoriquement, ils n'ont pas d'argent, puis c'est vraisemblablement pas eux les favorisés du système. Non, effectivement. Par contre, c'est pas une culture musicale qui... Alors, je vais dire pour la culture américaine, parce que je veux pas dénigrer le rap en général ou quoi que ce soit. Là. Je parle vraiment plus... De gangster rap plus. Ouais, c'est ça, beaucoup plus. 50 Cent, c'est ce gang. Exactement. Parce que je sais qu'il y a des groupes français qui ont des très bonnes paroles, puis qui ont des bonnes valeurs, puis qui font la promulgation d'un message intelligent. Au Québec aussi, d'ailleurs. Oui, effectivement. Ouais. Par contre, quand on va dans les affaires plus américaines, 50 Cent et compagnie, ben on tombe avec un message qui n'est pas nécessairement très, très poussé culturellement. Donc, ça incite pas les jeunes à réfléchir, puis à aller pousser la réflexion sur... qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, aller chercher, là, faire de la recherche ou n'importe quoi. Très bien. Alors, si on se fie à l'image, on va revenir avec Catherine à ce moment-là, parce qu'on va, on va bifurquer, on va se servir de cette tangente-là. Le gangster rap, c'est surtout aussi l'habillement, l'apparence beaucoup, les bijoux et tout ça. Alors, il y a une dichotomie, vraiment, c'est les jeunes de la rue, justement, qui se paient des vêtements hyper chers, de marqués et tout. Et c'est une image de la femme qui est particulière aussi. Catherine, est-ce qu'on a vu, au niveau de la sexualisation des filles, est-ce que ça a eu la mise en avant de cette culture-là, est-ce que ça a eu un impact sur ton travail là-dessus, est-ce que au niveau de la prévention surtout? Concrètement, je pense que c'est plutôt un levier, je veux dire, où on va aborder avec, par exemple, les jeunes filles, toute la question de l'hypersexualisation. Donc, moi, je pense qu'on peut le voir de façon positive ou que ça nous donne des prétextes pour aborder certains sujets. C'est sûr qu'il ne faut pas banaliser, je pense, l'image de la femme qui peut être parfois véhiculée. Puis il ne faut pas banaliser non plus certains types de comportements qui vont être parfois dégradants ou des paroles dégradantes, mais je pense qu'il faut arriver à s'en servir pour justement aller en discuter, vérifier des choses, valider des choses, puis continuer justement à travailler sur l'estime de soi, la valorisation finalement, qui passe par autre chose que le look. OK, au jour le jour, OK, votre travail maintenant, là, au niveau technique, là, je veux dire, vous rentrez travailler une journée, là, c'est quoi votre routine, vous dirigez vers quels endroits, vers quel type de personnes vous allez, et voilà, comment ça fonctionne, c'est un travail mystérieux, le travailleur de rue, alors voilà, Maxime, s'il te plaît, comment se déroule une journée typique à peu près dans ton secteur de Beauport? Ben, je vais commencer juste par définir un peu c'est quoi notre approche. Pour un travailleur de rue, l'approche, c'est une approche qui est volontaire avec les jeunes, donc il n'y a pas personne qui est obligé de nous parler ou de venir nous voir. Ensuite, c'est une approche qui est égalitaire. Donc, on n'a pas d'autorité sur le jeune. On ne peut pas lui dire « fais ci ou fais ça ». Tout ce qu'on peut faire, c'est l'écouter puis lui proposer des choses. Maintenant, le comportement que le jeune va choisir d'adopter va vraiment provenir de lui et non de nous. Comme un policier peut empêcher une personne de faire une chose ou l'obliger à faire quelque chose, nous autres, on ne peut pas faire ça du tout. Donc, tout est sur le volontariat. À Beauport, nous autres, on s'est doté d'un horaire de travail qui est de 18h le soir à 23h. Ça, c'est une moyenne. On est deux équipes. Il y a une équipe qui commence le lundi et qui finit le vendredi, et l'autre équipe commence le mardi et finit le samedi, ce qui nous permet de couvrir 6 soirs semaine. Et juste le dimanche, qu'il n'y a personne. Maintenant, on connaît énormément de jeunes à Beauport. Ces jeunes-là nous présentent d'autres jeunes, puis avec certains jeunes, on développe un lien qui est plus fort qu'avec d'autres. Avec certains jeunes, c'est juste salut, salut, on se connaît, on se parle un peu. Oups, on essaie de tomber sur un sujet d'information, de prévention, de sensibilisation. Avec d'autres jeunes, ça va un peu plus loin. Des fois, ils veulent venir nous rencontrer personnellement, aller prendre un café, ventiler. Puis pour ça, on a un cellulaire. Donc, ils peuvent nous rejoindre pratiquement 24 heures sur 24 sur notre cellulaire pour soit nous poser une question ou soit prendre un rendez-vous. Des fois, les jeunes, ils nous parlent, ils ont besoin de ventiler. Des fois, ils ont besoin de faire un suivi, une démarche, aller un peu plus loin. À ce moment-là, on peut les accompagner dans leur démarche ou dans le suivi. Quand ça arrive, souvent, vu que la majorité des organismes sont ouverts 2 jours, bien là, on a des rendez-vous 2 jours, ce qui vient combler un peu notre horaire, parce que si on fait le calcul, 5 soirs semaine, 5 heures, ça fait 25 heures. Fait qu'on va chercher un 5 à 10 heures, soit en promotion du travail de rue, en réunion, des suivis, des accompagnements. Puis ça peut aller vraiment de presque rien à tout, en fait. La personne n'est pas plus importante pour nous si elle vit une rupture, puis une peine d'amour, puis c'est la première peine d'amour parce qu'elle a 15 ans ou 12 ans, que la personne qui a 25 ans qui veut arrêter de consommer, admettons, de la cocaïne. Pour nous, les deux personnes sont aussi importantes. Le problème pour lui, il vit de manière aussi intense. Donc, nous autres, on la considère autant. Maintenant, des fois, il faut prioriser l'urgence. C'est certain que si on arrive à quelque chose de très, très urgent, exemple, une tentative de suicide ou quelque chose comme ça, ben on va prioriser, on va aller plus rapidement vers ça que vers la peine d'amour, parce que là, la vie de la personne est en jeu. Par contre, on ne voit pas les individus comme étant des problèmes. On essaie de les voir dans leur globalité. Puis ces individus-là, dans leur globalité, ils vivent différentes difficultés. Puis nous autres, on essaie de jongler avec ça, là, selon eux autres, leur rythme. C'est très important. On n'essaie pas d'aller plus vite qu'eux autres. On essaie de les accompagner dans leur cheminement et non de faire les choses à leur place. Ça, c'est très important aussi. Fait que notre horaire, ça peut ressembler à ça, 18h à 23h. 2 soirs semaine, une chose qui nous aide beaucoup, c'est qu'on a un partenariat avec la Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec. Et on loue la roulotte, la marginale, qu'eux autres possèdent. Ils l'utilisent pour aller au centre-ville. Ils donnent de la nourriture aux personnes itinérantes ou dans le besoin. Ça, c'est leur mandat au centre-ville. Nous autres, à Beauport, on l'utilise comme outil de promotion, outil de sensibilisation aussi. Les jeunes, c'est eux autres qui viennent nous voir. D'habitude, c'est nous qui va vers eux. Mais là, avec la roulotte, ça permet qu'eux autres viennent nous rencontrer dans la roulotte. Généralement, les jeunes, ils la connaissent, mais sinon, ils sont intrigués. Puis, ils viennent voir, commencent à nous connaître progressivement comme ça. De semaine en semaine, on va tout le temps aux mêmes endroits. Fait qu'à un moment donné, on développe des liens avec ces jeunes-là. Fait que ça nous aide beaucoup. Il y a aussi des fois le jeudi midi qu'on va dans les écoles avec la roulotte, les écoles sur le territoire de Beauport, ce qui nous aide aussi au niveau de la promotion. Parfait, très bien Maxime, merci beaucoup. On va poursuivre maintenant avec Catherine, le temps avance. Alors Catherine, au niveau de ton quotidien, comment à quoi ça ressemble au niveau de ton travail? J'imagine que c'est pas la même chose qu'en banlieue, au centre-ville qu'en banlieue. Alors vas-y, c'est ton tour de nous expliquer en quoi ça consiste. Ben en fait, c'est sûr que justement, il y a des ressemblances là, dues à la pratique du travail de rue. Pour ma part, moi, les horaires vont être beaucoup plus flexibles. Donc, en gros, j'ai pas nécessairement d'horaire de prédéterminé. Ce qui veut dire que je vais vraiment essayer de cibler les besoins du milieu. Donc, c'est sûr que ma présence sera peut-être pas aussi pertinente un lundi matin, 8h, qu'un vendredi soir, 10h. Fait que je veux dire, c'est important un peu de cibler justement le milieu, d'en faire une bonne lecture, puis d'aller avec les besoins des gens. Donc, en gros, moi, je vais souvent couvrir le territoire du centre-ville, Saint-Roch, Hauteville. Puis, ben c'est ça. Finalement, je vais me rendre dans des endroits où je sais qu'il y a des gens qui peuvent être regroupés ou, bon, bref, ça va être d'aller à la rencontre d'eux autres. Fait que c'est ça. Puis on peut partager aussi des projets. Je pense que c'est important de le mentionner. Les jeunes ont parfois des très belles initiatives, puis c'est le fun de pouvoir les encourager. Puis c'est ça. Fait qu'on peut développer aussi des projets comme ça. Mais Catherine, au niveau, tu parles de les rejoindre eux, tu parles de qui présentement? Votre strate d'intervention, c'est quoi? C'est les, mettons, 0-25 ou c'est plus adolescence ou c'est les... ça s'adresse à qui, en fait, vos interventions surtout? Personnellement, moi, je suis au secteur jeunesse, donc 12-25 en général, mais c'est sûr que je peux être en lien autant avec quelqu'un de 40 ans qui fait partie du milieu puis que je considère que c'est une personne puis que je vais avoir un lien avec elle. Cependant, au PIPQ, ben, je pense que, je veux dire, l'intervention est vraiment tente de toucher de façon systémique autant aux plus jeunes qu'aux plus vieux. Fait que c'est ça, l'idée, c'est vraiment de rejoindre le plus possible les gens qui vivent de près ou de loin une dynamique de prostitution. Mm. OK, d'accord. Qui dit prostitution, souvent dit gang de rue. Ils ont dit, souvent, la rumeur veut qu'à Québec, des gangs de rue, il n'y en a pas. On parle beaucoup de ce qui se passe à Montréal. Là, ici, à Québec, on parle des fois des Limoilou Stars, on parle des Tactica, des choses comme ça. C'est tous des termes qui tournent autour de... Bon, est-ce que vous pouvez nous tracer, peut-être nous démystifier tout ça? Qu'est-ce qui se passe à Québec présentement, là, sans dénoncer qui que ce soit, mais nous tracer un portrait de c'est quoi la gang qui joue? Ben, des gangs de rue en tant que telles, organisées, un peu comme on entend parler, là, les Creeps, les Bloods, c'est pas la même. Les Mauves, les Verts. Hein. Ouais, c'est pas quelque chose qu'on voit vraiment. On voit beaucoup de jeunes qui sont inspirés par ça, en quelque sorte, qui aiment ces genres de films-là, ou ben qui sont inspirés par le style de vie, un peu, comme on parlait tantôt, là, le mode de vie 50 Cent, un peu. Maintenant, il y a des gangs qui sont criminels, des gangs de personnes qui se regroupent, qui ont des activités criminelles. Puis ils ont genre quel genre? Vol, recel? Oui, ça peut être de la vente de drogue aussi. On peut tomber dans à peu près tous les styles de petite criminalité. Puis qui ont adopté le mode de vie de la rue comme lieu, finalement, pour faire leur trafic. Maintenant, est-ce que c'est une gang de rue ou une gang qui se tient dans la rue? C'est un peu ça, là. La démystification qu'il faut faire. Des gangs de rue en tant que telles, je pense qu'on entendrait plus parler au niveau des médias s'il y en aurait vraiment, parce que la police ferait des interventions, puis veut pas, ben, ils ont des comptes à rendre, la police, donc ils veulent démontrer le travail qu'ils font. Quand ils font des arrestations importantes dans ces types de secteurs-là, que ce soit avec les Hells Angels, les motards dans le temps, ben, ils médiatisent automatiquement. Mm. Ça, on le voit pas à Québec, cette médiatisation-là, des arrestations en lien avec des gangs de rue. Maintenant, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il n'y en a pas, mais c'est pas nécessairement un phénomène majeur ou important, comme peut-être qu'on voit un peu plus dans les plus grandes villes comme Montréal ou Toronto. Moi, je favoriserais plus la théorie de dire que les gangs qui s'aiment dans la rue, qui adoptent des comportements qui peuvent ressembler à des gangs de rue, mais qui ne sont pas nécessairement une gang de rue organisée et criminalisée, avec tout un niveau de hiérarchie ou des trucs comme ça. Je pense que ça s'organise beaucoup plus sur, je vais dire un mot anglais, sur le fly, directement. C'est comme plus des réseaux sociaux. Ouais. Un réseau social, mais tu sais, criminalisé. Tu as le pusher qui vend à la personne qui va faire la livraison, okay. Tu sais, il va avoir du recel, des trucs comme ça. OK, rapidement, écoutez, parce que le temps file. Catherine, donc, tu parles qu'il y a il y a une industrie du sexe, en fait, de la prostitution à Québec, tu le constates. Et ce qui frappe l'imaginaire des gens souvent à l'écoute, c'est on pense au Wolfpack, justement, à cette fameuse gang de rue-là. Est-ce que qui profite de cette industrie-là? Est-ce que les filles sont travailleurs autonomes? Autonome, entre guillemets, ou sont ça va faire de mauvaises blagues, là, ou sont vraiment assujettis à un réseau quelconque? C'est sûr que quand on parle de prostitution, par exemple, juvénile, personnellement, moi, je vais plus opter pour exploitation sexuelle. Donc, je pense qu'il faut faire la différence entre un adulte qui fait un choix libre, éclairé, consentant, bon, des fois plus ou moins, là, je veux dire, la vie parfois oblige, mais ce ne sera pas le même raisonnement souvent qu'une jeune fille. Donc, je pense qu'il y a plusieurs façons pour une jeune fille de vivre une situation de prostitution. Donc, oui, c'est sûr que je pense qu'on ne peut pas nier qu'il y a des jeunes filles qui vont être exploitées et qui ne tireront pas vraiment de profit. Tu retombes vraiment en profit de ça. Oui, ben, en fait, ils vont souvent avoir des gains. Hein. Puis ça, je pense que c'est important de le mentionner parce que c'est pas pour rien, finalement, que les filles vont parfois être attirées vers ce groupe-là. On parle toujours des jeunes filles, là, les exactement, tout à fait, c'est ça. Puis je veux dire... Le gain, ça serait quoi? Ah, mais ça peut être n'importe quoi, autant des beaux vêtements que des beaux bijoux. Ça peut être, tu sais, n'importe quoi qui va te faire plaisir. Ça peut être l'appartenance à une gang, mettons. Ah, mais ça, c'est sûr. Vraiment, c'est sûr que c'est fort à l'adolescence, puis on ne peut pas le nier. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Mais il y a différentes formes de prostitution aussi. Puis on voit, là, à l'ère des nouvelles technologies, la webcam, par exemple, où des adolescentes, de façon individuelle, vont pouvoir produire, des genres de films pornographiques. Carrément. Donc, il y a plusieurs formes de prostitution. C'est sûr qu'il y a la danse, il y a l'agence d'escorte, etc., salon de massage, bref. Personnellement, pour moi, la prostitution juvénile, juste comme je le disais, c'est de l'exploitation. Donc, ça ne profite pas directement, selon moi. Il y a plus de pertes que de gains, souvent. Là. Ça profite plus à un autre qu'à la jeune fille. Exactement. Ouais. Bon, donc, il y aurait des réseaux organisés, à ce que je comprends bien, Catherine, qui, en bon français, des pimps ou des macros, si on veut, dans le vieux terme, qui dirigeraient un peu... une économie parallèle avec ce réseau-là. C'est bien, c'est possible, je comprends bien. Bien, c'est sûr que c'est possible, justement. Je pense que tant qu'il va y avoir de la demande, c'est une possibilité puis une éventualité. Cependant, justement, il faut quand même, justement, rester à l'écoute des nouvelles réalités. Puis je pense que la prostitution, ben le visage change constamment. Puis je veux dire, c'est ça. Donc... je sais pas si je réponds à la question, en fait. Oui, bien sûr, tout à fait. J'ai pas le temps pour une dernière question. Malheureusement, non. C'est un sujet qu'on pourrait approfondir pendant très, très longtemps. Voilà, on était avec Maxime et Catherine, qui sont tous les deux intervenants, travailleurs de rue à la Ville de Québec. Merci beaucoup, Maxime, au centre-ville, plus en banlieue à Beauport, pardon. Voilà, et Catherine qui est au centre-ville, les secteurs de la Haute et Basse-Ville, spécialisée plus du côté de la... surtout prostitution, Catherine, je comprends bien. Oui, en effet, je veux dire, mon mandat va être lié à la prostitution. Mais je veux dire, je suis en lien avec les jeunes en général, 12-25. Voilà. Alors, merci beaucoup, Maxime et Catherine, de votre présence. Voilà. Moi, je trouve ça formidable, justement, des gens comme vous qui mettent la main à la pâte pour que ça se passe de mieux en mieux dans notre bas monde. Catherine Dorion, merci beaucoup encore une fois pour cette participation cette semaine. Merci à toi, Christian Saint-Pierre. Voilà. Donc, vous étiez à l'écoute de La Fausse Patte sur les ondes de CKRL 89.1. On vous revient la semaine prochaine, le 9 novembre, pour une autre émission remplie de toutes sortes de sujets. Donc, au retour, c'est en direct du Sacrilège avec la splendide Tania Beaumont. Pour l'instant, bloc pub et surveillez notre site internet sur Facebook. Nos podcasts seront bientôt disponibles, j'espère. Là-dessus, portez-vous bien, à la semaine prochaine. Le vendredi 4 novembre, le Cercle fête ses 4 ans. Pour souligner le carrefour artistique et agroalimentaire qui grandit en Saint-Roch, le Cercle vous invite à son anniversaire sous la forme d'un grand marché festif. Venez voir et entendre Bernard Adamus, Magotti Bratz, Jewish Daily Night, Cabina Obscura, This Is Not Design, Morgan Bridge et Stigmat Photo. Venez déguster la cuisine du Cercle, la boîte à pain, la poissonnerie Jeff, le clocher penché, la coop des grands rangs, l'artisan charcutier, la face cachée de la pomme, Appleton Reserve et Loukoum Cupcake. Le vendredi 4 novembre de 18h à 3h du matin. Le happening, c'est la fête du Cercle. Information 88 948 66.